lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Qu'est-ce que c'est quand on est de Hind à Brezonek? Qu'est-ce que c'est ça, Henri? 511? 511, oui. On dit pas unek, on dit onek un peu. On est, oui, ah bah ici on dit onek. À Kergris on dit svenek. Hein, voilà, onek. Pemkan onek. On commence par Geriou Arvué. Voilà. Quel est le mot qu'on va voir aujourd'hui? Alors c'est un verbe. Un verbe qui s'écrit cohésant, hein, avec un H, un Z au milieu. Mais nous on prononce pas le Z quand il est au milieu. Souvent, enfin. Donc on dit cohéant ou cohéo. Hein. Comme dit Méhet. Oui, comme dit Méhet, oui. Voilà, comme bouard aussi pour sourd. Hein. Bouzard, on prononce bouard. Voilà, on dit que c'est un Z léonard, mais enfin, parce que les léonards le prononcent. Alors, quéant, quéou, quéou, tombé. Donc c'est un mot d'origine celtique, puisqu'on retrouve la même racine en gallois. Et c'est une racine en fait plus ancienne même, indo-européenne, qu'on retrouve dans le latin cadere, hein, qui a été conservé en italien, hein, cadere, tombé, qui donne les mots comme caduc, par exemple, hein, voilà, et qui a donné le français chouard. Ah oui. Chouard, qui est, alors, souvent, hein, le cas dur du gaulois ou du latin devient che en français. Ça s'est passé au Moyen-Âge, ça. Et donc, on a le verbe chouard, qui est pas tellement employé, qui est comme un peu désuet, un petit parfum désuet, quoi, dont le participe passé est « chu ». Comme une chute. Comme une chute, voilà. Alors, la base verbale, donc, c'est « quai », qui veut dire « chute », hein, mais qui n'est pas tellement employé dans ce sens-là. On dirait « orgoyaden », par exemple, une chute pour le mot « quai », « quai », tout seul, est assez rare. On entend « lampe » pour « chute ». Hein? Oui, mais là, c'est une chute provoquée, c'est un peu différent. On l'emploie pour la chute des feuilles, par exemple, Quisendelio. Hein. L'âme, c'est une chute, mais provoquée aussi, hein. Comme au Gouren, par exemple, hein, sur les deux épaules. Alors, le participe passé, c'est Quised, hein. Nous, on dit Quid, hein, qui alors, lui, est très, très employé, quoi. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, Ontiquit. Enfin, une antiquaison, mais nous on dit antiquette, une maison en ruine, hein, une maison tombée, quoi. Hein. Quedon, hein, je suis tombé. Quedon ou amerère, hein, je suis tombé sur le derrière. Hein. On disait souvent ça quand on était gamin. Hein. Quedon de Zeven, je suis tombé de l'arbre. Hein, voilà. Quedon de Bascailleur, je suis tombé dans l'escalier. Voilà. Alors, c'est utilisé aussi pour quelque chose qui diminue aussi, quid des prix de lait, par exemple. Hein, le prix du lait est tombé. C'est le cas actuellement. C'est employé, par exemple, aussi pour une charrette qui se renverse. Hars au quid. Ça arrivait souvent autrefois, parce que les charrettes sont étroites, hein, étaient étroites, hein, les anciennes charrettes, hein. C'est quatre pieds entre les deux roues. Donc, 1,32 m. Donc, ça arrivait quand on était dans les prairies, la charrette arrivait à se renverser et on disait, pv quid de har, vk trawa rien chohun. Quand la charrette est tombée, on trouve beaucoup de passages. Ça veut dire, au point de vue figuré, quoi, qu'une fois que le mal est arrivé, on trouve des solutions qui auraient permis d'empêcher. Mais. C'est comme les si, quoi. Hein? C'est comme si, quoi. C'est comme si, voilà. Voilà. Il y avait qu'à. Mais bon, il y avait quand même, mais on n'a pas fait. Bon. Une expression aussi que j'ai entendue quand j'étais gamin, et ça me posait des problèmes pour comprendre de quoi il s'agissait. Quid est lippen wa ilappen? Quid est lippen wa ilappen? Alors, lippen, c'est la lèvre supérieure, et lappen, c'est la lèvre inférieure. Donc sa lèvre supérieure est tombée sur sa lèvre inférieure. Ça veut dire il est déçu. Hein. Ah. Il a une grande déception, quoi. Quid est lippen wa ilappen. Bon. Quid est un dras au harnan. Cette chose lui est tombée dessus. Hein. Voilà. Alors, quiaden, hein, c'est donc une chute, hein, quelque chose qui tombe, hein. Quesus, hein, tombant. Alors évidemment, si on tombe, on peut rechuter. Hein. Que hat quesaden, une rechute, hein, et hat queyan, le verbe rechuter. Alors un verbe qui est dérivé de que aussi, digueut, hein, survenir. Petrezo digueed, hein, digueed endrasé, hein, survenir. C'est pas très employé en français. En anglais, c'est happen, hein, c'est arrivé, quoi, ce qui est arrivé, oui. Digueed, calse traus digueed de boe. Et un digueizaden, c'est un événement. Voilà. Et queap, donc, alors, on a toujours le Z, là, qu'on escamote par ici. Queizap, hein, qui est susceptible de tomber, qui est fragile, quoi, qui est branlant, hein. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est une tombe trop, à nombre que quitte, si on me donne aux arts. Bon. Allez. On va passer à la seconde partie dans un tout petit instant. Brezhoneg tamm a tamm. On avait commencé avec Henri Lenaou à parler des mots gaulois. Et Henri, on continue cette semaine dans Brezhoneg tamm a tamm, seconde partie de la chronique commencée la semaine dernière. Voilà. Alors, c'est la troisième, je pense, celle-ci, sur le même thème. Donc, les mots. Il y en a une que j'ai loupée, j'étais en vacances. Oui, oui, c'est ça, oui, c'était avec Christian. Alors, donc toujours des racines, hein, qu'on trouve dans le gaulois et qu'on va trouver aussi en breton. Par exemple, botu, B-O-T-U, hein, chaussure en gaulois, et qui a donné d'ailleurs en français aussi, botte, hein, et botou en breton, hein, botou quad, botou l'air. Hein. Voilà, donc ça c'est, voilà, très très courant. Braca, B-R-A-C-A, c'est un pantalon gaulois qui a donné en français les braies. C'est pas dans la conversation, c'est pas très courant, mais enfin, les braies et la braguette aussi. Et en breton, bragou, hein, les fameux bragou-bras. Hein. Bragou. Astérix et Obélix portent des braies. Oui, portent des braies, oui. Bragou-bras, hein, représenté par Olivier Perrin, par exemple. Assez souvent, ça se porte plus tellement dans la vie courante. Bragoubert, Bragouhir, bon. Alors, un nom d'animal, Brano, Devine ce que c'est. Brano. C'est pas un corbeau ? C'est un corbeau, voilà. Brande en breton ? Brande en breton, oui. Alors, Brande, oui. Brano, qu'on trouve dans pas mal d'inscriptions gauloises, hein, parce que c'était un animal qui était un peu le symbole de la vivacité intellectuelle. C'est vrai que le corbeau, c'est très intelligent comme animal. Ça s'est compté. Ah oui. Un corbeau s'est compté. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. On faisait rentrer des chercheurs dans une tente pour observer les corbeaux. Ah. Alors, pour d'autres animaux, ça peut marcher. On en fait rentrer 5 et puis on en fait sortir 3. Et puis les animaux se disent, bah, tiens, ils sont partis, quoi. Ouais. Et on en laisse 2. Et avec les corbeaux, ça marche pas. Ils savent qu'il en reste à l'intérieur. Même si on les fait sortir un à un, tant qu'ils sont pas tous sortis, ils font attention. Et ça vit très longtemps, hein. Ça vit 60 ans, paraît-il, hein. Un corbeau, quoi. Comme ça, on voit des vieux corbeaux. Vrande. Hein. Voilà. Alors, une racine dont on va trouver tout de suite le sens, bratro. Hein, bratro, qui veut dire frère. Hein, et qui ressemble au mot que dans toutes les langues indo-européennes, en sanskrit, c'est brater. En latin, frater. Hein, voilà. Donc, ça a donné le français frère. Et le breton, breur. Hein, breuder. Hein. Vreudeur, au revoir. Ici, ils disent breu, même. Ouais. Meubreu. Meubreu, oui, oui. Oui, parce qu'il y a, un R qu'on n'entend pas, quoi, hein, à la fin. Meubreu, il y a. Et avec l'article, leur vreudeur, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas en OU. Donc, il y a une mutation. Voilà. Brenos. BRE2NOS, hein, ça veut dire en gaulois la montagne, hein, on trouve ça dans beaucoup de noms de lieux qui ont été conservés en français mais qui dérivent du gaulois, hein. Et en breton on trouve ça dans le mot bré, hein. Bré qui est un vieux mot qui désigne une montagne, une colline. Ménébré. Voilà, le Ménébré étant le plus célèbre de tous, bien sûr. Voilà. Brennus, alors c'est aussi un nom de chef gaulois, hein, qu'on retrouve aussi dans l'histoire, hein, assez souvent, quoi. Voilà. Brito, alors c'est Brito avec BRI2TO, c'est un breton insulaire qui a donné breton, hein, le breton, hein, étant le breton de l'île de Bretagne, bien sûr. Hein. Et Briva, alors Briva, c'est un mot qu'on trouve très souvent dans les noms de villes, hein, en particulier. Ça veut dire un pont, hein, donc c'est un endroit où on passe les fleuves ou les rivières, et c'était des endroits très importants puisque les villes se construisaient toujours autour d'un pont autrefois, quoi. Qui a donné le mot anglais bridge, hein, mais qui, curieusement, n'a pas été conservé en breton, hein, où on a pris le mot latin, pontus, hein, et donc on a des ponts en breton, et au Pays de Galles, c'est pareil. Hein, en pays de langue anglaise, c'est bridge, et en Pays de Galles, c'est pont, comme chez nous. Ouais, on a gardé la racine latine, quoi. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois, oui. Et on continuera la prochaine fois. On passe à la troisième partie, Petrazone Vervo. Thank you. C'est le moment de la gazette de Henri Le Naou, Petra zo neve er vro. Eri. Ben, kal zo draou zo neve er vro, pou er vej diouzan. Krogom de diantan e velkiz a custum, gant la bourdoua, hag ur vu e war ar meez. Erruom bremañ ba kreiz un nan, deux de enam zor dom benefin, bavro, ka bene, beta bremañ oa chombe vresk, hag lansemañ de nest, met deus herve klev ne ke gwalva de randam an de blam, pel val ar bopet vid ur blai oel. Zezo war brohal bez, hein, war anket de bro breiz benefin, pe sa mod man kont, met deus urwar vo neuptor gwinis, neuptor hei, neuptor edier, blam. War a maiz zo bet d'or gud an blaman, gant an an prevan, ur geyonen pe la rin mod, zo hangdet geomiza. Hag ur geyonen ze, ur a iua ou ba kal an ur maiz, hag preve de tamez nahan a zistruj kal an ur blanten. Hag ba kal ze blasov, e be red hat rad had an maiz, peut dire ur maiz oa be distruj en gant ur preve deus geyonen ze. War dachen ur briz yo bremañ, priz mor zo ed war rog, peut dire bon tu deus bro China neus non had lak de brein o kin mor, hag bon peta brar un amzor du stu a priz mor war grer. A pe veyin un amzor ta war drog. C'est une bonne plusieurs au vélo tom tom de et de la rogue prise mort. Videlez chomara prise isel mat ag Hervé Meusclève de Menek Gualsclair en Trovas vos grand grand beau Europa au système névé et vide zikour produirien les mes anges vos paix de Beta vraiment vi j'ai paix de l'aise produit, d'ac vraiment vos paix l'aise à ne vaut que produit. Mais, waran que pe sa mot vos grètes juste. Mais ce que quand votre calze dra ou arze beta vraiment, achète vos gottes on tombe de vel la gain vos effédus. Un drasé. Ne ce que gual belzo, moi là, retard ou à tiez yezek, braise, bah l'emballe à un bon de versant. Ag, quand votre sobit bénéfine on discloum, et vide un daudiz, vreiz. Ba en bon e be prene de tir yezek, gant tier en bon, a gant l'Orient aglo. Hag bon ara en bon de der o labourat, o ar dro ur yezek. O aran ke just pe sa labour vo gret gante, met der vo labourat o ar dro ur yezek. A ba lambal zo ve zorvet o strolat, evit prenant un araioù. Ba strolat zeus mo ker lambal rand vo breiz hag un departament. Hag bon, ba lambal vo der ad labour ad roaz war a yezeg, met trowel vo digaset, pu dure enan zo kal ze logeriz, hein? Hag vo digaset trowel vel ur mirdi matlin mehu da skwer, vo ba hara ben daoulamb. Pe gomtant dar deus kezeg ur vro, Dar ve ob ur konkour yaou ma mestra vid yezek, ne ve so da skwer oa bet ur honkour ba larion, hag o ne ba ma de yezek oa bet diz kwezet d'ur vernerien, hag bon zezon dravad e vel just vid ur vro. Ba fin nan vo adare, ve adare be pla, amzor ur homiso. Da skwer vid kanton kalak, vos grèd bas en igouden, de zadorn ugen de vizest, hag bon, ar vos gwell de zuroar kalz de dud a kalz de londet. Dans mon temps, moi, d'achen ur politik eres. Ur og o blam, vo ur votadag, evit dibab nini e vo laket war kard ur rou e brohal, hag kalz de dud zo war ar reng, hein, ka zuroar, et mad mon war un drones plus dur velan zo kal je dud zo hon war rang das mes que un dud zo hon war rang pe classe monde bon peu de mon christian 3 deck pot de caresse un vaisseau et bedo bord en temps trop ba ba bro corsica et vite rasté la donne peu de sinadur yo et vite galo de monde war rang gwel de vos pesa mot vos con gant Christian Troidec. Pe on kom jez bro Corsica, jez mat, des vaisseaux et B de ministien de la République, notre ouval, celui de Renault Arantiet, Horan Tamtro, bah, ou Arénaisen Corsica. Ag ne se promette calze dra ou d'un dud, et non. Das quer au zikour et vie halfe, pe bugel de ze vro, diskinies, nénaisen, hein, horsek. Ag zézo zoué zuzoir, pu durant, breis, chom distorwar, quel est la dure en brezon, ag gouskoude, deus meusclève, de bopet, ouam dindan mamez république, bro, Corsica, a breiz, mené que mamez lezeno ou matrezen. Ag zé, a kas, klaske rand gout, pe samo, nan, perek, zo un divor tien bras. De mzon, je ne divor zo tre breiz a Corsica, ou ardache leur politique eres. Bro Corsica, quasi tout de la politique courienne, zo e dug an zé vena du revro. A grandement un breiz, le politique y a une gomme, à l'ise de l'identité de l'œuvre, qu'à y avoir un discours vers l'arzé, mais de PV qui chez nos bords en droit benec, et de ne veut d'une bêtine. D'asquire, PV fait qui n'y que de l'é, on d'en veut l'aisen, et vite gouela d'un temps stade, Jésus Guasquet, député et breiz, veut l'air elle, ou en que plarvain, mais vain que ben, gomme un député et un dessin. Nevesos au Begualzé, roi, grand Paul, grand d'Anvelleven, lesen Paul Molac, en eskinig dans lesen, et vite gouelade, un tom, qu'elle est natureuse, Jésus Guasquet, a genon, ce roi, comme est de Marc Le Fur à Paul Molac, de un député et de Braise, à plaire roi réel, d'in de war, plus dur, n'en que Bélard et de Plaroigne. Bon, à Gouscoud et Waller, au Von Cleve, roi, Robert Discour, il y a eu identité, les œuvres. Ag, bon, zégan, me mestra, andra, cri, on tombe de velède. Me mestra, dréchance, les autus de Yulvad, me mestra, au labourat, évidère, et bé, zévena, du raillé, zévro. D'asquir, vidigem, et rendut, par de nan, et vizicourne, de zisolo, in cla, de vro. Ag, virei, bu, et d'orvro, bénéfine. Ag, bah, pas de nom, vegueled, hein, tu de borzé, tu de yulvad, velarn, hein. Ag, zézo morn, me mestra, car tu dis, de gaz en tro warog. Végenom, ze regontandar, de zlivourien orvro, breizo bé de porad pel, ag, pelzo, même, et, au sort, barados et vide livourien, calz livourien, zo deux de zlerhel, hein, ag, calz riz, au bégande, dans mon breiz. Pas de non zo d'asquire en disquisade Tolénou Gret Grand Simon Ormoigne ou à de Zmag Orba Trigorn hein, ba Barous Gronvel a gen disquisade ze ve gwelet ba médiathèque Rostren a bâti un touriste ba Rostren Ivé ag bon talar abouan Montevel hein, pez Gret Grand Simon Ormoigne ag onel o livourel de zevro ou a matlin meu a liz meus becom ze 200 ba am war ou a gen o RKB a balan bal vo gred or mir di neve vel meus lar et ar ba ti yezek ben daoula am ag bon me kalz labour zo dor rog vo gred ba plougon ba plouvar gornan on dra meus kavet brau et Bédigour, un vaisseau, Gweno, je ne n'amouroustet, un galak chemin des amoureux. Peut dire, énorme, non, gars, et Gwegel Gose, mère d'Age Botre Yon, Age Bon, Zemuskavet Brau, hein, chemin des amoureux, Bon, Vigno, je ne n'amouroustet, Warglad, Wardachen Arglad, Ross, un tel film, zo Begren, un vaisseau, Waristor Yodet, zo tal, la nuit, quand Jean-Jacques Monnier à Olivier Caillebotte, hein, au costume d'Ortro, semble se voir, dans de histoire braise. Après, Stig Zoroir, faut qu'elle ait de bat télé, yo, avro. Bon, c'est une tombe de spessonné, ve bavro, à gueulard, andar, tien orvégel, chiloer, yen, RKB. Tien avo, Eric. Ya, tien avo, Morgane.